L'Institut des fibres chimiques de l'Académie nationale des sciences vient de mettre au pont la technique de production de la fibre lyocelle à la coréenne partant des roseaux. Étant établie à notre manière, la technique de production industrielle de la fibre lyocelle de valeur économique, largement utilisable et conforme à la protection de l'environnement écologique, une perspective s'est ouverte pour la production massive de la fibre du genre au toucher doux comme le coton. Elle est caractérisée surtout par la valeur d'usage, l'absorptivité, la détergence et la sensibilité pour teinture. Par rapport à la fibre de viscose, sa résistance est forte à plus de 3 fois, alors que le module d'élasticité à plus de 5. Elle peut être utilisée pour la production des tissus à plusieurs usages.